temps su chez Vidangeur. Vraiment chez chacun son métier. Un savon au matin de bonne heure. Vous viviez les commodités. Si on a rond-point chez Jean-là, Grand Mangin il se rote, désolé. Les communs ils restent rote là. On sera obligé de les vidier. Les vidangeurs font d'un bon cœur. Mais le sentiment le fait point peur. Un savon au matin de bonne heure. Chez Vidangeur le rassembler. Tuiles barrière du rouge et bar. Tout du long jusqu'à la fin quai. On tire aux vraies mains en déroute. D'un teint de toucher grand qu'à rouler. Inventaire tout boire le petit goutte. Avant de respirer le privé. Les vidangeurs font d'un bon cœur. Les sentiments le fait point peur. Info drôlé, dire à l'ouvrage. Quand ils sont bien, un train de vidier. Porte le tonneau avec courage. Font point un seul, plis t'es passé. Ils ont un écourche d'emballage. C'est vrai qu'il est fort bien crotté. Un vêt point après un plus vieil plage. Quand ils ont besoin de mouquer le nez. Les vidangeurs font d'un bon cœur. Mais le sentiment le fait point peur. Mes bonnes gens, il faut que vous dis-je. Chez Vidangeur, sont bien heureux. Sont terre tout gros comme des poussifs. J'ai comme des vrais garçons brasseux. Inarrivant dans le village. Bien content aussi d'être arrivé. En mettant tout le tonneau à plage. Ina qui s'a écartelé. Les vidangeurs vont d'un bon cœur. Mais le sentiment le fait point peur. Et v'là le fermier tout en colère. Notre virge Tonio écartelé, un cours pour le faire, virale fermière, Vlati point qui fait un timblé, y'a vos courus comme un sioux, et vraiment sans faire attention, fait un badou les sus un diou, j'vous dis qu'une sainte au point bon, les vidangeurs vont d'un bon cœur, mais le sentiment le fait point peur. Moi te dire que j'ai riche l'affaire, virge fermier su Saint-Diou, ils seront douillots comme un pontière, de ragis à ro bien fissiou, cœur irréto pourtant, point d'imbétise, de se lire si bien notre modé, y est au tour un jeu saucisse, mais chasse un tolo maudité, les vidangeurs font d'un bon cœur, les sentiments ne fait point peur, les vidangeurs font d'un bon cœur. Le sentiment le fait point peur.